L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Une grande vente de livres d'occasion est organisée mardi 18 et mercredi 19 mars au profit de la médiathèque des hôpitaux de Nancy. Nous avons au téléphone Chantal Brignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole pour les médiathèques des hôpitaux de Nancy ? Tout à fait. Notre rôle de médiathèque dans les hôpitaux est d'amener de la lecture aux personnes hospitalisées. Et vous faites ça depuis longtemps ? Personnellement, oui, depuis une vingtaine d'années, mais l'association existe depuis bien 40 ans. Où va avoir lieu cette grande vente de livres ? Alors, cette vente aura lieu à l'école d'ingénieurs Télécom Nancy. C'est une école qui est située au 193 avenue Paul Muller à Villers-lès-Nancy. Parce que vous êtes associé donc à cette école et aux étudiants qui vont venir vous filer un coup de main. Voilà, exactement. Comment ça s'est fait justement ce lien avec Télécom Nancy ? C'est une personne bénévole de chez nous qui a un contact dans cette école. Et il y a aussi une sorte de comité dans cette école qui s'occupe de différentes choses. Donc c'est les membres de ce club, de ce comité qui nous donnent un coup de main. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir comme livre ? Alors on a tous les genres, des romans, des policiers, des livres historiques, beaucoup de livres d'enfants, des trucs plus spécifiques style cuisine, art, voyage. Alors je veux bien préciser quelque chose, que ce sont pas des livres qui viennent de l'hôpital, ce que nous prêtons aux patients, ce sont des livres qu'on nous donne tout au long de l'année, on les stocke dans un local et voilà, ça ne vient pas de notre stock de l'hôpital, quoi. Quand on nous donne ces livres, on les nettoie, on les stocke par genre, tout ça, et si on trouve quelque chose d'intéressant pour nous, on le garde. Parce qu'il faut dire que les livres qu'on prête à nos patients, ils sont lus par un comité de lecture, donc on les choisit, on essaye de trouver quelque chose qui n'est pas trop spécifique à l'hôpital, parce qu'on essaie quand même de distraire le patient. C'est pour ça qu'ils sont lus dans un premier temps, et on essaye aussi d'avoir un comité de lecture toutes les 5-6 semaines, ce qui nous permet d'être au plus proche des nouveautés. Et cette vente de livres d'occasion, elle vous permet quoi aussi, de financer peut-être certaines choses ? Voilà, comme nos subventions sont de plus en plus petites, elles baissent, donc ça nous permet d'acheter du matériel parce qu'il nous faut des chariots pour emmener tous ces livres de chambre en chambre et pour acheter voilà des nouveautés, pour être au plus proche des sorties littéraires, ça nous permet d'acheter tout ça. Cette vente, on le rappelle, elle aura lieu à l'école d'ingénieurs Télécom Nancy, au 193 avenue Paul Muller à Villers-lès-Nancy. C'est de 9h à 19h le 18 mars et de 9h à 18h le mercredi. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour leur donner envie de venir justement découvrir ces livres et à quel tarif peut-être aussi, ça peut être intéressant, à quel tarif vous les vendrez ? Question tarif, en général, c'est de 1 à 5 euros. Et sinon, pour donner envie aux gens de venir, je dirais que on a beaucoup de livres, beaucoup de genres différents. Je pense que tout le monde peut trouver quelque chose à son goût. Et c'est aussi pour une bonne action, parce que l'argent est pour nos patients, pour amener de la distraction à nos patients. Et on peut aussi vous donner les livres. Comment ça se passe ? Alors, pour nous donner les livres, le mieux, c'est de nous contacter au numéro de téléphone que je vais vous donner. Ou bien, on a un local à l'hôpital de Brabois, où on a une permanence le mardi et le jeudi de 14h à 16h30. On peut nous les amener directement. Sinon, pour avoir plus de renseignements, on peut téléphoner au 03 83 85 15 93. 03 83 85 15 93 pour en savoir plus. Et pourquoi pas aussi proposer ces services en tant que bénévole ? Bien sûr, on est toujours à la recherche de bénévoles. Tout le monde est la bienvenue. Merci beaucoup Chantal Brignon. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.